créature ce qu'elle vaut. Paraît qu'elle vaut ce qu'on endure. Y'aurait tant à en dire, mais je reste inerte. Est-ce une perte dans la rancœur maintient les pieds dans nos pères? Un jour je sais, mon cœur finira glacé comme le marbre, comme une écorce cassée sans assez de vivre son âme, comme une force dépassée, sans défense et sans âme. Sans âme car on s'alarme dès qu'on pleure sans voir de l'âme. J'ai embrassé l'amour avec des lèvres dont je me souviens à peine. Embarrassé mes jours avec mes fièvres et mes peines. Je me suis lassé de ces mensonges, c'est là que la passion est morte. J'ai renoncé à mes songes, alors ma rage est devenue plus forte. Je me suis détourné, j'étais un mec bien passionné. J'en ai pas le souvenir, mais lors de ces tu m'as sonné. Je méritais le paradis, mais sur terre je suis en danger. Je vais me venger, j'ai pris l'enfer parce que les gens m'ont changé. J'ai brûlé en enfer et craché sur vos tombes. Tout ce que pour vous j'ai pu faire me rappelle l'effet d'une bombe. Faux frères et grosses femmes. Cracher sur vos tombes, tout ce que pour vous j'ai pu faire me rappelle l'effet d'une bombe. Faux frères et grosses femmes, plus d'armes, j'irai brûler en enfer et vos drames sont des flammes. J'ai serré la main de l'amitié avec une confiance hors norme. J'ai dû lui faire pitié, vu son fond, vu sa forme. Je pensais qu'en tant que frère, ce qu'on pouvait faire, braver l'impossible comme un coq de sang. Mais l'impact reste peu crédible dans un sang, je dribble entre bien et mal, entre instant, bonheur rare, ouais. Les moments tristes entre mes peurs animales, entre le trop tôt et le trop tard, je perds sur les mêmes trottoirs. Mon manque de foi à l'égard du Christ, artiste, ouais, un bien pour un mal. Plus j'ai le sang qui monte et plus je deviens sentimental. J'ajoute sur mon compte, les gens profitent, des gens bien, frère. J'ai donc choisi l'enfer, ouais, pour mieux faire. J'irai brûler en enfer, car c'est le seul moyen de survivre. Comptez sur moi pour leur faire une place de choix dans mon livre. On se retrouvera au fond du gouffre. Ici c'est plus moi qui souffre, j'irai brûler en enfer. En attendant, moi je me sens libre. J'irai brûler en enfer et cracher sur vos tombes. Tout ce que pour vous j'ai pu faire me rappelle l'effet d'une bombe. Faux frères et grosses femmes, plus d'armes. J'irai brûler en enfer et vos drames sont des flammes. J'irai brûler en enfer et cracher sur vos tombes. Tout ce que pour vous j'ai pu faire me rappelle l'effet d'une bombe. Faux frères et grosses femmes, plus d'armes. J'irai brûler en enfer et vos drames sont des flammes. Cracher sur vos tombes, tout ce que pour vous j'ai pu faire me rappelle l'effet d'une bombe. Faux frères et grosses femmes, plus d'armes, j'irai brûler en enfer et vos drames sont des flammes. J'irai brûler en enfer et cracher sur vos tombes, tout ce que pour vous j'ai pu faire me rappelle l'effet d'une bombe. Faux frères et grosses femmes, plus d'armes, j'irai brûler en enfer et vos drames sont des flammes. J'irai brûler en enfer, j'irai brûler en enfer et cracher sur vos tombes. David Scott.